J'ai le moral d'acier, la bouche au carnassier, l'appétit, la carnassier. Du rap, on est verru, j'avoue que la hurle, c'est rude. Ça nous exténue, on va forcer leur serrure. Bouge la tête et tire dans cette détresse. Reguisant dans la défaite, dont le flow est en détresse. Écoute ce qui m'arrive et ce qui sort de ma mine. Fatigue, démon magique, j'ai vite démon agi. Tiens nos racines, on veut quitter la case. Pas s'expatrier, on prend la vie comme passe-dalle. Tiens qu'en principe, on baisse leur mère au gaffe. Cesse de crier, t'évitera pas le cache. Bras pratique, on trafique dans leur démocratie. Du sang dans le graphisme, baisse la démographie. L'expert de la paraffine, l'enfer pas le paradis. Ma bouche te maravite par des balles de carabine. Ça fait longtemps qu'on attend ça. Fini les banques de l'argent sale. Non, ne bouge pas. C'est pour les lèvres qu'on les bouge pas. Avec qui on marche en bras. Ça fait longtemps qu'on attend ça. Fini les banques de l'argent sale. Non, ne bouge pas. C'est pour les lèvres qu'on les bouge pas. Avec qui on marche en bras. C'est du lourd pour les frères. Même si tu n'entends pas. J'ai les dents longues comme des sables. La plupart ne m'attendent pas. Mais nous, ne nous tentons pas. Même s'il y a du cash à faire. Sans avenir sous tes affaires, avant que le soleil se couche, le peur attend les fêtes. Avec ou sans thème, au pire de la nuit je traîne. Du nord au sud, dans l'hexagone, ça me tente. Pas le temps de perdre le mien, tu sais très bien comment je m'en prends. De tes conneries, de tout ce que tu peux dire. J'ai la rage depuis tout petit et les punchlines depuis 10 piges. Jeune du haut comme à l'époque, des affolés, des du bloc. Des bonbons et du trafic, mon pote. C'est K.O. tout, laisse nos tirs sur le track. Personne ne bouge, on les bâche comme les 3K. Avant que le soleil se couche, je veux faire mon billet, c'est tout. On va tout piller, c'est tout. Ça fait longtemps qu'on attend ça. Fini les banques de l'argent sale. Non, ne bouge pas. C'est pour les lèvres qu'on les bouge pas. Avec qui on marche en bras. Ça fait longtemps qu'on attend ça. Fini les banques de l'argent sale. Non, ne bouge pas. C'est pour les lèvres qu'on les bouge pas. Avec qui on marche en bras. 3-8-0 par hasard. Double KOS Naughty. Prodi. Ça fait longtemps qu'on attend ça. Fini les banques de l'argent sale. Non, ne bouge pas. C'est pour les lèvres qu'on les bouge pas. Avec qui on marche en bras. Ça fait longtemps qu'on attend ça. Fini les banques de l'argent sale. Non, ne bouge pas. C'est pour les lèvres qu'on les bouge pas. Avec qui on marche en bras.